dite et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Novembre 2020 de l'émission de musique progressive Terra Incognita de 22h à minuit sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Et comme d'habitude, nous aurons une belle sélection de musique progressive du moment ou en tout cas au moins des derniers mois. Et nous parlerons aussi du magazine 101. En fait, du numéro 101 du magazine progressiste. Il y aura des extraits du sampler. Des belles découvertes en ce qui me concerne. On aura ça dans le courant de l'émission. Mais pour débuter, on va y aller avec une pièce de Gaspacho. En fait, une belle pièce là, qui s'appelle Space Cowboy, qui dure 19 minutes. On avait déjà écouté un extrait dans les dernières semaines. Mais cette fois-ci, on a eu l'occasion d'entendre l'album au complet et c'est une très belle réussite là, que je vous conseille. En ce qui me concerne, c'est pratiquement aussi bon que Night, qui demeure leur pièce maîtresse depuis le début de leur carrière. Il y aura aussi du Flower King, un groupe qui fait très très bien, avec un nouveau disque qui est double. Mais cette fois-ci, le groupe a voulu, disons, modérer un peu ses ardeurs en ce qui concerne la durée des pièces. Donc la plupart sont relativement courtes, la plus longue dure 9 minutes. Donc on se situe souvent dans les 5-6 minutes et on fait dans la concision, mais aussi dans la qualité, parce que je pense qu'on gagne à ce moment-là en cohérence. Et on va en entendre un extrait. L'album en fait s'appelle Island et c'est une très belle pochette là, de Roger Dean. Ce qu'on entendra, c'est la pièce Black Swan, et on vous revient tout de suite après. Myself, paper, tower. Thank you.

qu'on vient d'entendre, ça s'appelle Black Swan, et c'est le groupe Flower King qui est toujours aussi facile à reconnaître, même s'ils se renouvellent un peu là-dessus. Comme je disais, leurs pièces sont un peu plus ramassées, là. Il n'y a pas de grandes envolées. C'est généralement des pièces assez courtes. Et ce double album s'appelle Island. On avait débuté avec une longue plage là, de Gazpacho, le groupe norvégien, avec leur album Firewalker, on a entendu Space Cowboy. Et maintenant, on demeure en Scandinavie, mais cette fois-ci, on se déplace vers la Suède, avec le groupe Cross, qui en est déjà à 11 albums. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ce sera le dernier, puisque le leader, Anssi Cross, est décédé du cancer il y a un certain temps. Et d'ailleurs, on voit à l'arrière du livret une photo de Anssi Cross et c'est écrit « In Memoriam ». L'album s'appelle donc « Opus 11 » et ça met en vedette une foule d'invités, dont Nad Sylvan, qui est au chant sur la plupart des pièces de ce disque-là, qui est d'une très bonne tenue. Et on poursuivra avec un groupe qui en est déjà à plusieurs albums. En fait, il existe depuis 2000, même si j'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire le groupe Green Carnation, qui nous vient de Suède. Leur album s'appelle Leaves of Yesteryears. On entendra la pièce-titre. Et on terminera avec un groupe français qui est une suggestion du magazine Progressiste numéro 101. On retrouve ça sur leur sampler. Donc, le groupe français s'appelle Bend the Future. Et la pièce qu'on entendra, ça s'appelle Kiss and Fly. Et c'est extrait de leur album Pendulo Song. Et ce disque-là flirte un petit peu avec le métal, là, mais on retrouve des accents de Opeth en ce qui me concerne. Mais je vous laisse vous faire votre idée.

Will be heart and soul. cordon bon me ferme, tiens-nous. C'est le vin d'un bendel, oïrant-leur ferme, cœur-os. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. CKRL. Québec. Nous avons terminé avec le groupe français Band of Future avec leur pièce Kiss and Fly. Juste avant, c'était les Norvégiens de Green Carnation avec Leaves of Yesteryears. Merci à Michel Duncan de m'avoir fait connaître ce groupe-là. Et juste avant, c'était Cross avec un extrait de l'album Opus 11. Je vous rappelle que c'est le dernier étant donné le décès du leader Nancy Cross. La pièce était Looking for Silver. Et on va poursuivre avec Anthony Kaloudjin, que je pourrais qualifier pratiquement de génie étant donné tout ce qui peut sortir comme musique en si peu de temps. Anthony Kaloudjin qui fonctionne ici sous son nom. Il y avait aussi Anthony Kaloudjin Project, il y a Sunchild, Hogwash et Carthagin qui a la plus grande discographie dans tous ses projets. Et celui-là s'appelle Marshmallow Mundus. En fait, c'est deux pièces de 20 minutes. On va entendre la deuxième qui s'appelle Mundus, assez logiquement. Et ce sera suivi de Lunatic Soul, un nouvel album qui s'appelle True Shaded Woods, qui paraissait hier. La pièce qu'on va entendre, The Fountains, c'est une gracieuseté de Six Media. Et on les remercie. Et on terminera avec No Sound de l'album de 2018, Allow Yourself. On entendra la pièce Ego Deep, que j'avais pas eu le temps de faire jouer, que j'avais pas eu l'occasion. Et ben, comme ça, un petit aparté, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le dernier clip de François Pérusse, je pense que ça vaut la peine. Il parle de musique progressive avec des pièces de 20 minutes. Et il est fortement question, sans le nommer, de Jay Trotol. Donc, je vous invite à aller voir ça sur Internet. Donc, on débute ce bloc avec Anthony Kaloudjin.

Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Nous avons terminé le dernier bloc avec le groupe italien No Sound et c'était précédé de Lunatic Soul. Et on avait débuté avec Anthony Calugin. Et bien, pour ce dernier bloc, on va entendre Pineapple Thief avec un extrait de Versions of Truth, le dernier album en date. La pièce qu'on va entendre, c'est Our Mare. Et ben, on retrouve toujours là-dessus l'excellent batteur-percussionniste Gavin Harrison et l'association ben, porte ses fruits. C'est vraiment toujours très bon. Et on poursuivra avec un autre extrait de Progressist numéro 101, le sampler. Le groupe s'appelle The Rosen Corporation et c'est un groupe allemand qui propose une musique électronique et moi je trouve ça très très bon, c'est une très belle découverte en ce qui me concerne. Et finalement ce sera Steve Hackett avec une pièce qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre, c'est-à-dire The Battle of Epping Forest, mais on sait que lors de son dernier concert il jouait en entier l'album Selling It By The Pound, c'est d'ailleurs ce disque-là, Selling It By The Pound and Spectral Morning Live at the Hammersmith. On vous invite à rester à l'écoute. En ce qui nous concerne, c'est tout pour nous, mais l'émission L'Autoroute suit tout de suite après avec une sélection de musique des années 60 et 70. Bonne semaine à tous. Turning to slide, into a mire, into a mire. stumble on. Someone you're looking for to push your way to time. That's what we were for when we stumbled on. Just what we were looking for to spend our days with you. That's what we were for. You think I was in on it? You think I ignored the warning signs? All I could see was the glistening of the wind. Strange foundation, the simple side of the word great starvation. He had to hide his reputation. When Paul was salvation from door to door. But now, with the pin-up guru every week, it was love, peace, and truth incorporated for all to see. The boy has gone up on the cannon with overall charge. Receive that's why we're in the battle of every forest. It's just the battle of every forest right outside your door. And we got your souls for peanuts. And we got on the right from exchange gang fights, and Dick with Lena with a smash bottle man is loving Bob the Noggin Frosted Armor with his kisser in the face. Bob sings from the space and chokes the jacket snapping in the mud. And Harold Jim Ewing, still not quite sure, by his acorns from out of his sling, here come the cover. Cette émission est disponible en balado-diffusion. 89.1. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. CKRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Oh, wow. Cultive tes goûts. And I'll fly. Wings of a butterfly, high as a tree top, down again.